Le rituel, pour moi, permet de faire le pas entre le spirituel et notre réalité matérielle et physique. C'est une métaphore de ce qu'on souhaite obtenir. Enfin, ça peut être fait avec n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de suivre une recette spécifique. Soigné par l'invisible, une création radiophonique de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Troisième épisode, Imaginaire. Disons, ce qu'on appelle l'énergie, c'est un petit peu ce substrat qu'est à la frontière entre le corps physique et les mémoires et le corps psycho-émotionnel et les mémoires qui sont dans l'inconscient. Alexandre Mezzorana, je suis naturopathe indépendant depuis plus de 25 ans, avec une spécialisation en médecine psycho-énergétique, hypnose et magnétisme. Je passe les mains à distance. Si je ressens quelque chose d'un peu agité, d'un orage, d'un tourbillon, d'un truc, je vais jouer avec cette énergie, pas de protocole particulier. Puis à un moment, tout est calme. Je sais que là, c'est fini. On a restauré un temps clément. Des fois, avec ces processus, on ne comprend pas comment quelque chose de concret peut disparaître, pouf, comme ça, spontanément. Des fois, je me disais, si ça disparaît dans l'esprit de la personne, le processus est enclenché et ça va travailler petit à petit, et puis activer un processus de guérison. Mais souvent, quand la personne voit la disparition au niveau mental de sa problématique, eh ben, on a une réaction quasiment spontanée au niveau de l'organisme qui peut activer des guérisons spontanées aussi. Je m'appelle, mi chiamo Arnaldo. Sono un medico. Je suis médecin. Après, il y a des trucs un peu de magie. Parce que le fait de dire, OK, on téléphone au guérisseur spécialisé dans les brûlés, par exemple. Celui qui fait les brûlés fait aussi la radiothérapie. Mais c'est des guérisseurs du feu, quelque part. Des fois, quand je me brûle, ma maman, elle appelle mon papa et après, mon papa, il fait le magnétisme. Il prend où j'ai mal. Il fait pas vraiment sur moi, mais il fait un tout petit peu plus haut. Il met ses mains devant sa tête et après il fait avec les mains et il fouette ses mains pour que ça s'enlève. Et après il va se laver les mains. Parce que sinon c'est lui qui après qui se fait mal. Je m'appelle Anna, j'ai 7 ans et mon papa il fait le coupe-feu, coupe-sang. Et aussi, il fait du magnétisme. C'est stressé pour moi ? Non, pas du tout, du tout, du tout. Je me demande bien, comment tu vas parler ? Faut pas trop se poser de questions. C'est ça aussi, je pense, un des secrets de tout ça, parce qu'on peut pas avoir de réponse. Quand on voit que ça fonctionne, après on le fait automatiquement, on arrive à stopper des hémorragies, stopper... des brûlures. C'est toujours un souci en moi. Comme ma maman, une fois, elle s'était coupée avec la trancheuse à jambon. Et moi, j'ai dit à papa que maman, elle est en train de saigner. Et il a commencé à faire le magnétisme, le coupe-sang. Et après, il n'y avait plus rien. Quelques petites rectifications. Concernant le magnétisme, il faut être en présence de la personne. Tu mets tes mains là où la personne a mal et tu donnes une énergie qui fait du bien. Et puis, concernant le coupe-feu et coupe-sang, ça, je peux être en présence de la personne ou bien plus loin. Des fois, on n'est pas au même endroit que papa. Si on est proche de Genève, par exemple, en France, bah, il peut le faire. Mon ami Michel, il y a fort longtemps, m'avait donné le secret, mais j'ai pas tellement pris la chose au sérieux. Et c'est en me demandant de le faire parfois, ou en étant dans des situations où je pensais le faire, ben, je me suis rendu compte que ça fonctionnait et que, ben, que j'étais obligé de l'utiliser, parce que c'est quelque chose d'assez fabuleux. On dit que c'est un don. Qu'est-ce qu'on fait d'un don ? On peut soit se sentir tout puissant avec cette chose, soit juste ne pas comprendre. C'est assez fascinant. Moi, j'aime bien cette position que j'ai. Il y a un moment où on sent qu'on peut donner son feu coupe sang à une personne de confiance, ou peut-être à ma fille. Mon doudou, il a toujours des mordures aux doigts, alors moi, je le fais aussi le magnétisme. La marque disparaît, sur ma propre personne aussi. Il faut quand même avoir des soins. Les hôpitaux sur Genève font appel à des coupe-feu, mais sans forcément prévenir la personne. Ça marche très souvent. Ça se passe beaucoup par les sensations que j'ai, parce que je mets mes mains près du visage, et là, j'arrive à sentir une chaleur dans mes mains qui me donne l'intensité de la douleur de la personne. Et ce qui me permet aussi de sentir quand le travail est terminé, parce que j'ai la chaleur qui s'arrête. Quand je fais ça, bien sûr, je suis pas seul. Nous sommes en relation avec les autres, qu'on peut se faire du bien par des choses non concrètes, quoi, par les airs. C'est assez beau. Pour des gens vraiment sans, disons, foi particulière par rapport à quelque chose, je vais utiliser peut-être des rituels différents qui sont très simples, vous voyez, du genre mettre un verre d'eau, écrire une lettre, la brûler. Mais disons, après, on peut se mettre au diapason aussi de ce qu'évoque la personne et de sa culture, et puis utiliser ses valeurs. De mon point de vue éthique, moi je respecte les croyances, mais je ne veux pas créer, moi, des croyances à la personne. C'est des choses qui font partie de ce que moi j'appelle la sphère spirituelle, du sens qu'on donne à la vie, des croyances, de l'existence, etc. Une approche holistique doit prendre en compte ça aussi. C'est une des sphères des personnes que j'écoute très volontiers et où je trouve souvent des ressources. Ça doit nous pousser en réflexion. C'est des choses entre deux qui nécessitent de pouvoir être au moins entendues et puis peut-être discutées aussi. Mais... Dans notre inconscient, on a toutes sortes de mémoires, certaines qui nous appartiennent, d'autres qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent être liées à l'éducation, à des contextes particuliers, socioculturels, par rapport à une région, tout ça, des mémoires même ancestrales, etc. Bon, ou des facteurs qui sont liés justement à l'imagination aussi. L'inconscient, c'est un concept énorme. Moi, grossièrement, quand je parle des choses qui constituent notre existence, je parle de corps. Mais dans le corps, où il y a dedans tout, il y a ce qui est psychique, ce qui est physique, c'est dans le corps, spirituel et tout. Et la mémoire, elle est là-dedans aussi. Donc le corps, c'est surtout de l'inconscient, parce que on sait que le conscient, c'est très peu, en général, de notre existence. L'inconscient n'oublie rien. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Prendre les choses à contre-pied. T'as le droit de manger du chocolat. Autorise-le toi. Tu te dis, je me permets de manger du chocolat. Mais c'est comme si j'avais plus envie maintenant. ça m'intéresse plus. Je peux m'autoriser à oublier d'avoir envie de manger du chocolat. Et plus tu l'oublies, moins tu t'en souviens. Et tu te souviens, finalement, de l'oublier complètement. Il y a des programmes, disons, dans l'inconscient qui seraient favorables de déprogrammer. Et puis après, reprogrammer, ben, c'est de dire, ben, voilà, je mérite d'être aimé comme je suis, j'ai le droit à la douceur, à la gratitude, d'être en harmonie avec moi-même et les autres. J'ai pas besoin de me sacrifier pour les autres, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde, etc. Bon. Moi, j'ai une formation d'oncologie, de médecine interne. Maintenant, je suis palliativiste. C'est vrai que j'ai pas une formation formelle en psychothérapie. Mais l'hypnose, sur le fond, est une forme de psychothérapie que moi, je peux utiliser dans des contextes où je suis le plus apte, parce que j'ai beaucoup d'expérience, c'est avec des gens qui souffrent pour des maladies qui on peut plus guérir. Vous pouvez fermer les yeux afin de vous ouvrir à votre univers intérieur, et un peu comme si vous étiez spectatrice, comme si vous vous voyez dans un miroir et vous voyez cette peau avec ses rougeurs, vous la voyez avec la couleur. Peut-être même vous voyez Mara avec un sentiment un peu de gêne, comme si elle n'était pas tout à fait à l'aise à la lumière du jour. Je suis Mara. Je connais un peu la pratique de l'auto-hypnose. C'est pour cela que j'étais très contente de découvrir plusieurs techniques de l'hypnose thérapeutique qu'on a pratiquées avec le docteur Mezzorana. Vous savez, un peu comme des vieilles photos décolorées, délavées, d'une autre époque. Comme si ça s'efface. Et plus vous essayez d'y faire face, plus ça s'efface. Alors, je vais passer la main sur le front, comme pour effacer. Et vous pouvez essayer d'observer le visage avec les taches de Mara effacées, décolorées, et ça s'efface. Ouf. Comme si vous pouvez complètement l'oublier. Comme ça ne vous appartient plus. Et vous pouvez encore essayer de l'observer. Je passe la main sur le front. Encore plus effacé. Effacé dans le passé. Effacé dans le présent. Effacé dans l'avenir qui vient à vous. Comme si le contraste sur l'image diminuait de plus en plus. Avec le 4, avec le 3, avec le 2. Comme si l'image devenait blanche, transparente, délavée, décolorée. De plus en plus effacé, effacé, effacé. Et ça passe, et ça passe. Et ça s'efface comme si c'était emporté fou par le vent. Et vous pouvez vous souvenir de l'oublier fou complètement, comme un blanc. C'est complètement blanc, propre, blanc, comme un blanc. Et vous pouvez vous souvenir de l'oublier, vous pouvez complètement oublier de vous en souvenir. C'est complètement fou, effacé. Ça ne vous appartient plus, c'est complètement passé, complètement parti, complètement zappé, complètement blanc. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous pourrez revenir ici et maintenant en pleine forme et ouvrir les yeux. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Essayez. Fou. C'est impossible. C'est complètement loin. Impossible d'y penser, complètement effacé. Fou. Essayez. Fou. Comment c'est? Je vois vraiment comme le polaroïdme qui revient en arrière, en fait. Ah, comme un polaroïd à l'enfer qui s'efface de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et maintenant, fou, complètement effacé. Essayez. C'est blanc. Ok. la mémoire, ça nous aide à nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais en réalité, on la construit. Et donc, c'est pas rare qu'on construit des choses fausses ou qu'on oublie des choses ou qu'on fait ce que notre psyché a besoin de avec la mémoire. C'est vrai qu'avec l'hypnose, avec des états de transe, on peut avoir un peu plus de mémoire. Par exemple, quand on fait ce qu'on appelle des régressions en âge, nous, on ne parle jamais à la personne régressée. Nous, on parle à la personne qui est ici maintenant et lui questionne qu'est-ce qu'il voit de la personne qui était avant. On pose beaucoup d'attention sur les suggestions quand on travaille sur le temps parce qu'on risque de créer des mémoires trop influencées par nous. Je trouve que c'est juste de faire ce travail en ayant conscience que la mémoire, on la construit. On n'est jamais sûr si ce qu'on perçoit et on voit, c'est quelque chose qu'on a créé ou que c'est une mémoire vraie. On a toujours le doute. Chaque objet, chaque être vivant, chaque situation émet en permanence des informations. Et ces informations persistent au-delà des limitations du temps et de l'espace. Comme une grande bibliothèque universelle de mémoires, de clichés, de fréquences. Si on est très attentif, il y a toujours un son. Même dans ce qu'on pourrait appeler le silence, il y a énormément de sons. Je me mets dans cet état un peu de captation, d'hypervigilance. L'idée, c'est d'être très présent, très conscient, toutes les antennes dehors. Et au bout d'un moment, il y a une captation, quasi paranormale, quoi. Des mémoires, des fantômes, des entités, on pourrait dire comme ça. Alors, vous pouvez puiser des solutions, des informations. Et puis, d'un coup, il y a une intuition, un truc, un mot qui va résonner différemment, que je vais décomposer, découper, pour faire ressortir le message inconscient. D'un point de vue psychologique, on va parler d'inconscient collectif. D'un point de vue ésotérique, on va parler du monde astral. Le monde astral, c'est là où il y a toutes les formes pensées, les élémentaux, hein, des anciens, vous savez, les ondins, les gnomes, les salamandres, les sylphes et tout ça. Après, c'est les djinns, ça dépend des cultures. Hein. Après, le monde astral, c'est un plan assez proche du monde physique quand même, hein, qui peut perturber le corps éthérique et après le corps physique, hein, aussi. Hein. Maintenant, c'est vrai que ces formes pensées, elles ont tendance à s'effacer si plus personne n'y prête attention. Maintenant, on pourrait imaginer, réinstaurer le culte, j'en sais rien, vous voyez, d'une divinité ancienne, et ça lui redonnerait du poil de la bête, disons. Ah, moi, je suis pour l'inconscient collectif. Si c'est collectif, c'est bon. Il y a des côtés qu'on peut percevoir comme magiques, on sait, mais il y a des côtés qui font beaucoup de peur. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un inconscient collectif qui est très manipulé. Par exemple, on est tous capitalistes, mais il n'y a pas de livre du capitalisme. Moi, je préférerais être anarchiste. Comme ça, on n'a pas de livre, mais peut-être ça serait mieux que ça. Peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est une barbarie pour moi, ce qu'on vit. il y a des gens qui sont beaucoup plus aliénés qu'il y a 100 ans, et il y a des gens qui ont compris beaucoup mieux beaucoup de choses de ce qui se passe sur la Terre et dans les relations humaines. Et ça ne va pas simplifier les choses, même parce que des fois, cette diversité, on la retrouve dans les mêmes personnes. Et c'est toujours plus extrême, ça. Comme c'est toujours plus extrême la division de la richesse, entre autres. L'inconscient collectif, moi, je pense qu'il est très diversifié aussi, et ça me donne de l'espoir. Parce que peut-être qu'on arrivera à créer une voie plus sereine pour affronter tous les problèmes sociaux et environnementaux qui sont en train d'arriver. Et que nous, qu'on habite en Suisse, moi, je perçois presque pas encore. Il y a un inconscient dans la matière. Hein. Ben alors là, après, c'est les maisons hantées hein, aussi. Voilà. Les endroits où ils sont passés de grandes souffrances. C'est un peu comme si la matière, elle conservait une rémanence de ces vibrations de souffrance qui peuvent redistribuer ad aeternam quasiment. Hein. Donc c'est pour ça que des fois, on fait un nettoyage d'objets, de lieux. Maintenant, ces objets, ben oui, ils gardent des mémoires. Et ces mémoires, elles gardent un pouvoir. On pourrait dire, d'ailleurs, qu'on pourrait utiliser cette énergie pour faire de la magie noire. On va faire avec l'énergie du jour, on va faire comme ça se passe. C'est pas grave s'il y a un peu de monde. On va faire ce qui est possible aujourd'hui. Moi, il me faut de toute façon une journée entière pour faire un nettoyage et une géobiologie complète. Ça peut être bien d'aérer. Ça fait un premier nettoyage avec l'air. S'il n'y a pas de wifi allumé, c'est bien. À un moment donné, je vais avoir besoin d'éteindre le compteur principal, en fait. Je vais faire des coquilles de protection sur les appareils électroménagers. Voilà. Là, je viens de faire une intervention avec une de ses présences et c'était parfait parce que le gardien du lieu, il s'est occupé de faire sortir s'il y avait des présences positives. Et l'autre présence, elle a intervenu pour faire une purification des mémoires des murs. Le gardien ou la gardienne du lieu, et c'est quoi leur rôle, leur fonction? C'est vraiment d'aider à ce que le lieu il se développe de manière lumineuse, on va dire positive. Quoi. Du coup, ils arrivent, ils s'installent à partir de là. En lien avec la création du bâtiment, en général. Ouais. Puis après, c'est un peu en fonction des habitants aussi. Ils sont juste contents s'il y a des êtres humains plus conscients qui arrivent. Et typiquement, si des êtres humains, malgré les aides positives que le monde spirituel y donne, ils font des grosses conneries, des choses assez graves, qui sont pas en accord avec la vie, la lumière, ben il y a un gardien négatif qui va venir aider à que tout ça se passe. Je m'appelle Gary et je viens aujourd'hui en tant que géobiologue dans cette maison. La mémoire des murs, c'est un peu tout ce que le bâtiment il va enregistrer au fur et à mesure de son existence. Depuis les premiers moments de sa construction jusqu'à aujourd'hui. Nous, on travaille avec des présences du monde spirituel, donc c'est une présence qui est spécialisée, entre autres, là-dedans, qui va faire la purification. Si je suis mandaté pour une géobiologie, en fait, je vais d'abord vérifier avec mon ange gardien, s'il est d'accord que je contacte le gardien du lieu et s'il me conseille de le faire. On apprend à dialoguer avec lui par le clair ressenti, par des questions fermées, du type, la réponse va être oui, non, c'est des questions simples. Donc la présence va se déplacer et mon aura va se rétracter ou s'agrandir. Il y a différentes formes d'entités. On appelle entité humaine un être humain décédé qui n'a pas continué son chemin d'évolution. Ils peuvent être soit sur des personnes, soit sur des lieux, soit en train d'errer. Et il va y avoir des entités non humaines. Il y a des entités de, on va dire, du bas astral, Et il y a des entités, on va dire, plus spirituelles ou des hauts plans. Et dans les entités spirituelles, il y a des entités plus ou moins costaudes qui demandent un plus ou moins un niveau de maîtrise pour pouvoir les traiter. Quand on vient faire une géobiologie, on fait petit à petit, en traitant différents impacts, différentes pollutions du lieu, on va faire remonter ce taux vibratoire jusqu'à ce que le lieu il soit porteur pour le vivant, pour les êtres qui sont à l'intérieur. De manière générale, la vie, elle a besoin d'un certain équilibre pour pouvoir se développer. Il y a des lieux, clairement, qui sont pathogènes pour l'être humain, qui peuvent aller jusqu'à causer des maux physiques sur le long terme. Ouais. Des fois, justement, en géobiologie, on se rend compte qu'on est dans un lieu qui ne porte pas notre évolution, quoi. Et donc, on peut soit rééquilibrer le lieu, faire avancer les choses, mais au bout d'un moment aussi, certaines personnes décident de déménager. Même si le lieu vibre mieux, le contexte autour du lieu fait qu'on sent que c'est plus bon pour nous et on déménage. Qu'est-ce qui va nous éveiller, nous aider à prendre conscience, de faire attention, d'être attentif à telle chose, sans nous rendre encore plus coupables ou peureux? Et c'est un peu ça qui est délicat, je trouve, à cibler. Chaque jour, on va plus ou moins du côté de la vie, de la pureté, de la lumière, de l'amour, ou on va plus ou moins du côté du mensonge, de la tristesse, de la colère, de la haine. Et ça, c'est un choix qu'on fait à chaque seconde, presque, plus ou moins, puisqu'on a tout un passif, toutes des mémoires, tout un inconscient qui est fort et un subconscient. Mais on a quand même un libre arbitre et qui peut nous pousser vers cette évolution ou cette involution. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a des beaux feux sacrés, il y a des belles lumières, il y a des beaux soleils qui permettent la vie. Et puis, c'est un peu vers ça qu'on a envie de tendre. Ce qui existe, c'est la rencontre, surtout. C'est pas les individus. Dans cette rencontre, il y a beaucoup de choses qui se créent, beaucoup de mémoires, beaucoup de futurs, beaucoup de passés qui se remêlent. Ma façon de voir la vie, c'est qu'il faut faire vivre dans soi-même une circularité et une linéarité, qu'il faut vivre au même moment. Donc il y a un début et une fin, mais il y a aussi quelque chose qui recommence, qu'il faut vivre au même moment. Qu'il y a un début et une fin, mais il y a aussi quelque chose qui recommence. Avec Alexandre Mezzorana, Mara Krastina, Mauro Frigeri, alias Arnaldo, Adrien Chenevière et sa fille Anna, Gary Mercier et Jonathan Frigeri. Remerciements Séléné Movis, Camille Vanois. Prise de son, montage et mise en onde, Pauline Guiffard. Soignée par l'invisible, troisième et dernier épisode, Imaginaire. Une création radiophonique de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Musique, Simone Aubert et Paul.